Mardi 24 septembre, bienvenue à l'aérospatiale Gilles Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. Cette semaine à l'émission, on rencontre Marie-Claude Gendron, artiste et commissaire de l'événement Se suivre, une série de soirées de performances intergénérationnelles qui ont lieu à la Chambre Blanche. Il y en avait une la semaine dernière et maintenant, il y en aura une jeudi et il y en aura deux plutôt, jeudi et vendredi, donc à la Chambre Blanche. Catherine Boivin est allée faire un tour à vue pour voir l'exposition Love and War de Guillaume Simoneau. Également, on discute avec Céline Marcotte et Sarah Leroux qui viennent nous présenter l'événement Blogueurs en captivité de Folie Culture qui commence dès jeudi. Comme à l'habitude, Raymond Poirier nous fera sa revue de presse et le tout sera ponctué des sélections audio de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Simon, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Quelque chose qui m'a fait rire, c'est incroyable. C'est un artiste qui vient de la ville d'Odessa en Ukraine, c'est Obotek. C'est principalement un écrivain, mais qui sert un peu de sa musique pour un peu approfondir ses textes, puis un peu montrer sa perception du monde. C'est de la musique glitch à tendance brain dance un peu, donc ça peut sonner pop par bout, beaucoup de percussions vraiment cheap, mais c'est ça, il sert de toutes sortes de sources audio. Il s'amuse à les corrompre, à les détourner, parfois même à les scraper carrément. Des fois, petite ambiance assez cheesy. Un album qui m'a vraiment fait rire. Son album s'intitule Scandal Clear the Air. Donc, ça donne un peu une idée de ce qu'on peut entendre sur l'album. C'est sur une étiquette russe du nom de Ni Normalism. Dis-moi, donc, Simon, est-ce que tu as lu de... Est-ce que tu as lu de ses livres? Non, j'ai tenté de trouver ses textes. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est plus du côté audio. J'ai pas vraiment réussi à trouver ses écrits. OK. Ben, si jamais quelqu'un en trouve, l'aérospatiale.wordpress.com, ça pourra venir compléter la sélection d'aujourd'hui. Oui, un drôle de personnage. Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'en va pas audio, on écoute Your Cloud sur les ondes de CKRL. On est de retour à l'aérospatiale et on accueille Raymond Poirier pour sa revue de presse. Bonjour. Bonjour. Comment va l'univers des arts visuels, Raymond? Mais il se porte quand même assez bien, des projets assez intéressants, des petits débats aussi. On commence par un projet assez intéressant. Je suis tombé là-dessus en parcourant le soleil, mais pas les pages dédiées aux arts et à la culture, mais plutôt les pages dédiées à l'habitation. Alors, j'espère que vous êtes passé dans le coin de la rue Saint-Vallier-Est, mais il y a un projet là-bas qui est mené par XO Développement Immobilier, qui, en fait, essentiellement recevra ses premiers occupants cet automne. Et eux ont décidé, il n'y a pas d'obligation parce que c'est pas un édifice public, à faire une œuvre d'art dans l'esprit du 1%, mais ils disent, ben nous, on veut quand même en faire une, proposer donc une œuvre d'art qui serait intégrée à la bâtisse. Et ils ont décidé de mettre à profit les gens qui avaient acheté déjà une unité d'habitation à l'intérieur de l'édifice à condo. Alors eux, aujourd'hui en fait, vont être en mesure de voter parmi 4 œuvres d'art qui ont été proposées pour animer le hall d'entrée de l'édifice. Et il y a eu quand même un commissaire et un appel de dossier sérieux qui a été fait. Là. Tu dis qu'ils votent aujourd'hui, donc j'imagine qu'en soirée ou demain, là, on devrait avoir le résultat de ce vote-là. Normalement, mais évidemment, qui concerne surtout eux parce que ça animera leur hall d'entrée. Mais quand même, l'article est assez long. Là, oui, l'article est assez long parce que c'est rare qu'on voit ce type d'initiative-là. Et évidemment, mais je trouve ça intéressant dans la mesure où c'est à travers justement aussi des initiatives comme ça qu'on maintient et qu'on développe aussi un certain dynamisme et un intérêt envers les différentes pratiques artistiques à Québec. Et juste pour vous dire, en fait, le jury composé d'un designer, d'une architecte et de gens du milieu des arts ont retenu 4 œuvres d'art parmi 60 dossiers qui ont été présentés. Donc, on parle de Thierry Arcambossé, d'Émilie Bernard, de Laurent Gagnon et de Jean-Robert Drouillard qui ont proposé. Pas des inconnus. Pas des inconnus non plus. Et en plus, ben, on imagine ces genres de projets. Bon, on parle d'un budget de 25 000 $, mais ça va prendre aussi de la valeur, c'est évident. Là, c'est pas des deux de pique qui ont été sélectionnés du tout. Là. Je précise, Jean-Robert Drouillard a le don aussi de faire réagir les gens. Je ne sais pas vraiment si tu as vu dans l'article, mais il y a une œuvre, je ne me rappelle pas le nom. Puis le personnage était torse nu, puis ça a choqué les gens. Puis on a demandé si on pouvait le faire avec un chandail. Donc c'est comme la deuxième fois qu'on entend parler de lui dans un contexte comme celui-là. Bon, c'était à se questionner, à savoir qu'est-ce qu'il y a de si choquant. Mais bon, à tout le moins, l'initiative est quand même très intéressante. Exactement, et en espérant que ça fasse boule de neige, pourquoi pas? Ben oui. Sinon, autre élément, petit clin d'œil simplement, dans la mesure où la Ville de Québec et le ministère de la Culture cherchent à bonifier les activités culturelles de lac Mégantic, ils ont dépêché 2 organismes spécialisés en art public, dont l'organisme en art visuel et en art public Exmuro, qui va aller mener là-bas un projet. Donc l'idée est d'animer un peu et de relancer un peu certaines activités artistiques. On ne parle pas d'un énorme budget, évidemment, mais donc l'idée portée par Exmuro, qui a été annoncé d'ailleurs incidemment sur leur page Facebook, c'est d'inviter, de collaborer avec une douzaine d'artistes de la région de Lac-Mégantic pour proposer une murale qui amènerait une vision artistique du centre-ville, donc l'idée de voir vers l'avenir et de rêver un peu aussi ce que le centre-ville pourrait redevenir. Est-ce qu'on sait quand ça aura lieu? Ça va être au cours de l'automne, en fait. Donc, dès le 28 septembre, il va y avoir production de l'œuvre. Okay. Et donc, réalisation. Et ensuite, ça va être exposé. Ça va rester sur place là, pour quelques semaines. Bon, mais je crois que je vais lancer une invitation à Vincent Roy à venir nous en parler. C'est intéressant. Sinon, Philippe Hamelin et Pierre Durette, deux artistes québécois, ont été médaillés en art visuel au Jeu de la francophonie. Je voulais simplement vous le mentionner. Ça se déroulait jusqu'à dimanche dernier à Nice, en France. Alors, une belle reconnaissance pour ces jeunes artistes. On arrive au débat. Je trouvais ça intéressant. Je suis tombé là-dessus dans le journal Le Monde, un petit entrefilet. C'est essentiellement une nouvelle manière de présenter des œuvres d'art. Donc, des musées financés par l'État, des musées d'État, ministère de la Culture également, qui ont été rencontrés des entreprises privées. On parle d'entreprises liées à l'automobile, liées à l'essence, à l'énergie, qui ont été ciblées pour la première vague. Et l'idée, c'est de prendre entente avec eux pour qu'ils acceptent d'héberger sur leurs murs des œuvres d'art, des collections publiques, à l'intention évidemment des employés et des visiteurs de ces installations-là. Alors, l'idée, c'est d'amener quand même des toiles d'envergure, ou du moins des toiles de peintres d'envergure, mais pas nécessairement des œuvres majeures. Ouais. On parle quand même de Rembrandt, Picasso, peut-être Boltanski et autres. Et certains artistes peut-être un peu plus contemporains aussi, qui sait. Et donc, d'un côté, des gens sont assez favorables à l'idée. On amène ça dans une perspective de démocratisation de l'accès à l'art, etc. De rentabiliser aussi peut-être des collections publiques qui souvent ne seraient pas nécessairement exposées, dans la mesure où on est capable, chez ces institutions-là, d'avoir des budgets nécessaires, en partenariat évidemment l'entreprise, pour créer des situations d'exposition qui sont viables au niveau sécurité, température et le reste. Par contre, l'article lance aussi l'autre sous-question, c'est à savoir, est-ce que c'est aussi symptomatique d'une certaine, disons, d'un certain abandon de la part de certains organismes culturels qui disent, ben, on est obligé effectivement d'aller vers les gens parce que les gens ne viennent plus vers nous, ne viennent plus vers les musées. Donc, est-ce que c'est de dire, ben, plutôt que d'essayer de leur donner envie de venir au musée, ben, on amène le musée chez eux pour justement le rentabiliser, entre guillemets. Donc, on verra à moyen terme les résultats de ce type d'initiative. Exactement. Si, dans le fond, les employés se dirigent ensuite vers les musées ou s'ils ont une conscience plus élevée envers l'art, ben, ça aura peut-être été plus rentable. Sinon, ben, effectivement, ça sera peut-être lié à ce constat d'échec qui était lancé aussi. Et sinon, tout de suite, en terminant, simplement pour vous dire que des œuvres et des objets de l'artiste français Pierre-Auguste Renoir ont été mis aux enchères à New York tout récemment. Et pour ceux qui se demandaient si Renoir performe encore beaucoup dans le marché de l'art, eh bien, la réponse est oui. On parle d'un encan d'à peu près 1,3 million de dollars, 143 lots qui ont été vendus, des statues, peintures, notamment les bécasses, qui ont été vendues pour 125 000 dollars, et sinon des bustes et autres éléments, même en fait des objets personnels comme son porte-cigarette qui ont été vendus aux enchères. Ah. Donc, ouais? C'est assez vaste comme lot, mais les gens étaient au rendez-vous visiblement là, pour se procurer ces différents objets. Alors voilà, Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et bon. Tous les liens, c'est sur l'aérospatiale.wordpress.com. Avec l'émission en téléchargement, dans le balado-diffusion, voilà. Puis également les communiqués de presse, etc. Les liens aussi pour la sélection musicale de Simon Roy. Raymond, La vie en BD, vendredi. 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise. Voilà, donc c'est à ne pas manquer. On s'en va en pause audio, on écoute Idma 1. Mon retour, on discute avec Céline Marcotte et Sarah Leroux. On vient d'entendre un extrait de l'album Scandal Clear the Air de Obotech, une suggestion de Simon Roy. Et cette semaine, c'est vraiment une semaine d'événements, notamment il y a l'événement Blogueurs en captivité qui est organisé par Folie Culture qui aura lieu du 26 au 28 octobre, donc dès jeudi, de 13h30 à 21h30 à Place de l'Université du Québec. Et pour en parler avec nous, Céline Marcotte, directrice de Folie Culture. Bonjour. Bonjour. Et Sarah Leroux, une des deux artistes qui bloguera durant l'événement. Bonjour. Bonjour. Première question, en fait, Blogueurs en captivité. D'où vient cette idée-là? Parce que moi, ça m'a vraiment accroché là, quand j'ai vu ça. Ben c'est sorti du comité de programmation de Folliculture. J'avais un projet, j'aurais aimé ça avoir un blogueur en résidence à Folliculture. Puis on est parti de ça, puis je sais pas, c'est devenu un blogueur en captivité. Puis vous avez décidé de traiter de l'idée de l'aliénation. Est-ce que pour vous c'était directement lié au blog, à Internet? L'aliénation c'est notre thématique annuelle, donc ouais. Aliénés de tout pays, unissons-nous. Puis comme on a choisi de faire le blogueur en captivité. Donc, on a demandé aux artistes de travailler sur l'idée de l'aliénation, mais par rapport aux technologies, je dirais, par rapport aussi à Internet, par rapport à l'aliénation qu'on peut avoir avec les médias sociaux. Mais tout oui. Tout le monde, il y a plein de monde qui sont sur Facebook puis qui décrochent pas. Puis tu sais ce que ça peut entraîner. Là, il y a un article récemment qui parlait que Facebook peut causer des dépressions parce que là, les gens deviennent envieux des autres puis tout le monde paraît sous son plus beau jour. Voilà. Donc, le sujet se prête bien à l'aliénation. Donc, c'est pas mal là qu'est venu le projet. Et vous avez demandé à Sarah Leroux et à Martin Dufresne de participer au projet. Qu'est-ce qui vous a amené à penser à eux? J'imagine que c'est leur travail. Oui, c'est la façon dont ils font leur travail. Puis Sarah elle a gagné un prix de Folliculture, donc on a passé d'amener plus loin le projet. Folliculture à tous les années, on donne un prix, donc d'amener plus loin le projet et d'inviter Sarah parce que pour lui donner une chance comme artiste ouais. à relève. Et aussi parce que Sarah a fait déjà un blog, elle connaît bien Folliculture, elle connaît bien notre thématique. Puis Martin Dufresne, ben c'est quelqu'un avec qui on aime beaucoup travailler. Ça fait longtemps qu'on avait travaillé avec lui. Puis c'est quelqu'un qu'on a pensé, la thématique. Aussi les deux artistes, on a pensé que ce serait une thématique qui les intéresserait, travailler sur l'aliénation. Et parlant des artistes, justement, Sarah Leroux, on le disait, tu tiens un blog sur ton site Internet où tu t'intéresses aux choses, comment tu dis ça, heureuses, ludiques. C'est ça, ben c'est souvent, en fait, c'est un blog de photographie qui est, dans le fond, je traîne souvent un appareil photo avec moi quand je me promène, puis sur mon chemin, je croise des fois des choses qui sont... drôle, des fois des choses que je trouve belles, des fois des choses qui ont pas rapport mais qui ont des belles couleurs louches, alors je les prends en photo et puis je les mets sur mon blog, puis je suis un peu partie là-dessus, donc c'est pas nécessairement un blog de photos avec des photos que tu regardes là, d'une façon comme tu regarderais une peinture là, pour la composition, exact, etc. C'est vraiment pour c'est un peu plus des jokes en général là. C'est ça. Puis ouais. ça fait combien de temps que tu fais ça, ce blog-là? Ça fait à peu près 2 ans, je dirais, puis tranquillement pas vite c'est devenu quelque chose, je dirais. C'est ça, je me suis orientée plus vers le côté drôle et c'est ça, des choses qui traînent un peu sur mon chemin, puis que je remarque des choses qui n'ont pas vraiment rapport, qui sont un petit peu qui sont un peu plus cocasses, je dirais, puis c'est ça. Est-ce que depuis que tu fais ça, ton regard change un peu sur le monde? Est-ce que tu es comme constamment un peu à l'affût je pense qu'il a toujours été comme ça, puis c'est pour ça que j'ai été portée à faire ce blog-là. Par contre, l'autre jour, je croisais une fille que je connais depuis peu, puis qui m'a dit qu'il regarde mon blog une fois de temps en temps, puis elle m'a dit « C'est rendu à chaque fois que je vois une cochonnerie à terre, je pense à toi », puis là, j'ai été tellement émue. Parce que justement, ça, je pense que ça peut apporter les autres à avoir un autre regard justement sur les cochonneries de couleurs louches qui traînent par terre. Mais tu sais, comme on sent dans ton travail puis sur ton blog aussi, tu sais, de l'humour beaucoup. Ouais. C'est très très ludique. Là, dans le cas de blogueur en captivité, c'est plus lié à l'aliénation. Pour toi, mm-hmm. Comment t'as l'intention d'aborder ça, cette thématique-là? Ben, je pense que l'aliénation, on n'est pas obligé de le traiter d'une façon dramatique. Moi, c'est pas dans ma pratique de traiter des choses d'une façon tragique ou dramatique. C'est pas du tout dans mon regard. Donc pour moi, ça va être une façon de tourner ça un peu d'une façon humoristique, mais sans, pour moi, c'est une façon aussi de communiquer un message. Je trouve que ça passe beaucoup mieux quand c'est par l'humour que quand c'est par la critique directe ou la grosse émotion forte. Là, ouais, exactement. Moi, c'est je travaille plus justement avec l'humour, mais je pense que c'est un outil, l'humour, qui peut être extrêmement puissant pour communiquer des choses qui sont vraies aussi. Par contre, il va y avoir aussi certains trucs plus sérieux. Mais en général, je pense que ça va être plutôt des clins d'œil humoristiques, mais beaucoup des blocs d'images aussi, des entrées d'images, ben dans ouais. le fond, numériques qui vont avoir été vaguement modifiées et tout ça, des photographies aussi. J'imagine que tu te prépares à l'avance, là, est-ce que oui, tu t'es monté du matériel? J'ai monté du matériel, mais il y a certains trucs que je vais faire aussi sur place là-bas, là. Tu sais, tout, c'est pas terminé du tout comme projet, c'est un projet qui est débuté, que j'ai accumulé un peu de matériel quand même depuis une couple de semaines, mais ça va se continuer, ça va se poursuivre vraiment sur place, là, ouais. Dans le parc Saint-Roch. Parce que l'expérience aussi, là, on dit, c'est à la place de l'Université du Québec, c'est pas, vous êtes pas dans des bureaux, là, Céline Marcotte, vous les enfermez dans des bulles de verre, au su et au vu de tous. Oui. Ben, la place de l'Université, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est juste à côté du jardin Saint-Roch. Ben oui, juste au bout, là, sur le jardin Saint-Roch, c'est ça. Oui, on a décidé de les enfermer dans des cages de verre. Et les gens vont pouvoir les voir, et aussi les gens vont pouvoir voir, il va y avoir des écrans de télévision, ils vont pouvoir voir leur blog et voir l'artiste bloguer et voir aussi le blog. Puis on trouvait aussi, c'était une façon ironique de montrer le travail d'un blogueur, parce que t'sais, un blogueur, ça fait rien. C'est assis. Puis on le voit pas, en fait. À part la petite photo habituellement dans le coin, là. C'est assis devant son écran, puis ça travaille. Donc, c'est un peu une façon ironique aussi de traiter de la chose, de mettre le blogueur au vu de tout le monde, sur la place publique, puis de le voir travailler devant son ordinateur. Ouais, puis il y a un côté un peu, tu sais, bon, c'est quotidien, c'est un peu banal, en fait, visuellement, ouais. Mais ça appelle, je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, un côté voyeur du public aussi, là. On a l'occasion de regarder des gens vivre, là, ça. Sans avoir peur de se faire pogner ou je trouve qu'il y a ça aussi. C'est stimulant, je trouve, cette idée-là. Là, c'est toujours un peu. Il y a quelque chose de complètement loufoque aussi là-dedans. On est dans une espèce de grosse cage de verre vraiment fancy puis bien désignée. Puis finalement, on est assis devant un écran d'ordi puis on taponne sur notre clavier. Tu sais, on n'y a rien à voir, mais je trouve ça vraiment sympathique. Mais en même temps, tu sais, de savoir que les gens vont être là, vont te regarder faire, est-ce que pour toi, ça a quelque chose d'un peu intimidant? Non, je dirais pas intimidant, je dirais plus stimulant, je pense, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que, tu sais, parce que veux, veux pas, ça ajoute une dimension un peu performative sans nécessairement ouais. qu'il y ait un déroulement réellement, tu sais, ouais. C'est ça, un numéro comme tu c'est dis. C'est ça, c'est ce qui me plaît aussi dans ce projet-là, c'est que c'est un peu inclassable, tu sais. J'essayais même de le mettre dans mon CV en puis j'étais là, je sais pas dans quoi mettre ça, tu sais, c'est pas une expo, c'est pas une terre, c'est comme une sorte de résidence. C'est ça, mais ça me plaît, cette espèce de, que ce soit sur la limite entre toutes sortes d'événements d'événements culturels, finalement. Et là, c'est de 13h30 à 21h30. Là, vous restez pas dans les cages de verre après ça, j'imagine. Là, vous allez dormir, puis vous y retournez. Ouais. Okay. On a le droit d'aller faire notre dodo chez nous. Mais faut pas le dire. Non, c'est ça. De toute façon, je vous vois comme en plein milieu de la nuit, là, dans l'activité du quartier Saint-Roch. Céline Marcotte, j'aimerais savoir, on a parlé de ce que Sarah a l'intention de faire. As-tu une idée un peu de ce que Martin Dufresne veut mettre de l'avant? Pas du tout. Ah non? Ben nous, on a l'habitude à Folie Culture, on donne vraiment carte blanche aux artistes et on sait à peu près en même temps que le public qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je pense que ça va être aussi beaucoup d'images, un peu de texte aussi. Mais on ne sait pas. On y a parlé un petit, tu sais, il nous a dit un peu son intention, mais vraiment. C'est sûr qu'il va traiter de. Il veut traiter de l'aliénation, mais aussi, il va intervenir, je pense, il veut intervenir sur la cage elle-même. OK. Ça, il nous a demandé s'il pouvait, on lui a dit oui. Donc, de faire de sa cage une sorte d'installation en plus. Donc là, on ajoute une dimension. Oui. Non, j'ai bien hâte de voir. Mais de toute façon, je fais confiance à Martin. C'est un artiste vraiment intéressant. Là. Puis, les gens, sur dans le communiqué, vous dites que les gens vont pouvoir communiquer justement avec les artistes. Est-ce qu'il y a comme une section commentaire sur le blog, des interactions possibles? Oui, une section commentaire. Okay. Donc, on invite les gens à aller voir les deux blogs et à commenter, évidemment. Ben, d'ailleurs, je vais donner l'adresse, là, folieculture.org. Là, à partir de là, on a accès au blog. On va avoir accès au blog, oui. Puis là, j'imagine, là, vous parlez, Sarah, tantôt, tu parlais des cages de verre super bien designées et tout ça. Est-ce que vous avez fait appel à des gens pour ça? Elles ont l'air de quoi, ces cages-là? Parce que je pensais que c'était des bulles, mais dans le fond, c'était un peu... C'est des cages de verre en verre et bois. Okay. Parce qu'on a fait appel à Mathieu Gauthier. Ah, ben oui. C'est Mathieu Gauthier qui a conçu les cages puis qui nous a soumis son projet qu'on a accepté avec joie. Puis en conclusion aussi de l'événement, il y aura bon la clôture de l'événement et vous faites aussi le lancement de la publication Extase, la vie et autres pratiques extatiques. C'est possible de revenir un peu sur la nature des trois événements qui avaient été liés à ça? Je voulais préciser que ça va être lancé le samedi à 17h. Ouais. En même temps, ça va être la clôture de l'événement. Ouais. Donc, on va symboliquement sortir les blogueurs de leur cage. Oh. Est-ce que tu as pensé, Sarah, à une manière de sortir ou ça va venir en cours de route? Je vais réfléchir à ça. pendant ta résidence en cage de verre. La publication Extase la vie et autres pratiques extatiques, c'est qu'en 2011-2012, on a fait trois événements sur la thématique de l'extase. Donc, on a demandé à des gens de venir d'assister à ces événements-là et de nous donner des textes critiques ou des textes de réflexion sur les programmations qu'on avait faites. Donc, il y avait trois événements. Il y avait Extase, la bouche ouverte, on y voit la lumière. Il y avait Extase, un chien écrasé qui scintille. Et il y a un événement qui durait pendant trois jours à l'automne dernier qui était Extase, la vie et autres pratiques extatiques. Donc, la publication regroupe des textes critiques sur les trois événements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé à une psychanalyste qui va nous faire un texte sur Extase, la vie. Qui nous a fait un texte sur Extase, la bouche ouverte, on y voit la lumière, historien de l'art, spécialiste en cinéma, donc... Divers horizons autour oui, de cette thématique-là. Ouais, ça nous intéressait d'avoir des visions diverses, ouais. Mais Céline Marcotte, Sarah Leroux, merci beaucoup. Merci. Donc, merci je relance l'invitation. J'allais parler d'autre chose, mais blogueur en captivité, donc du 26 dès jeudi à 13h30, c'est jusqu'à samedi, clôture de l'événement samedi à 17h, donc juste à côté du Parc Saint-Roch à la Place Université du Québec. Voilà. On s'en va en pause, au retour, on discute avec Catherine Boivin. Regarde la mère comme elle est contente. Regarde comme elle rit avec ses petites dents blanches. Je veux léguer la mère à mon fils, lui donner l'orgueil de sa lignée. La mère ne change pas. Elle était là bien avant nous et bien avant moi. Le Théâtre Sortie de Secours de Québec, le Théâtre de la Vieille 17 d'Ottawa et le Théâtre du Nouvel Ontario de Sudbury vous présentent la pièce Quand la mer, un texte d'Esther Beauchemin, mise en scène par Philippe Soldevilla, au Théâtre Périscope du 17 septembre au 5 octobre. Le Musée de la Civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la Civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. Poil et Plumes, une animalerie sympathique et professionnelle pour prendre soin de vos animaux grands ou petits avec de la nourriture de qualité et des accessoires originales et durables. Poil et Plumes, si la santé de vos animaux vous tient à cœur et que vous les aimez comme on les aime. Poil et Plumes, situé au 569 3e avenue à Limoilou et au 597 rue Richelieu. Livraison gratuite les mardis et jeudis soirs. Devenez amis de notre page Facebook et profitez de nos judicieux conseils. Poil et Plumes, 88 977 2391. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz rock avec Billy Cobham Quartet. Considéré comme l'un des meilleurs batteurs au monde et chef de file de jazz rock, Billy Cobham est reconnu pour sa précision et sa puissance. Pour célébrer le 40e anniversaire de sa parution, il nous offre l'intégrale de l'album culte Spectrum. Le 11 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Billy Cobham Quartet. Détails au palaismontcalm.ca. La 23e édition des rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du Diable, Jérémia McLean et David Surette, Serre l'écoute, Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? 89.1. L'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur? CKRL. Si l'amour manque de beauté, et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amoureux? C'est déjà la deuxième moitié de l'aérospatiale qui commence. Julie Gagné, toujours avec vous, avec Jacques Gignac, à la mise en onde. Je vous invite, avant d'entamer cette deuxième partie, à aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. L'émission est disponible en balado-diffusion. Il y a des communiqués de presse aussi, des arts visuels, la revue des liens de la revue de presse de Raymond Poirier, le téléchargement aussi des sélections audio de Simon Roy. Donc, tout ça sur le site. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Des fois, on vous annonce des petites primeurs à tout le monde. Le menu à chaque semaine, bien entendu. Et à l'instant, j'accueille en studio Catherine Boivin. Bonjour. Bonjour. Catherine, cette semaine, je t'ai mandatée, je t'ai envoyée à vue photo. Exactement. C'était ma rentrée culturelle à moi, là, officiellement, mais aussi première exposition. Alors, je suis allée voir une exposition photo de Guillaume Simoneau, Love and War, et dans la petite salle, la petite galerie là, plus basse, José Pedneau, Le Présage. Mais je pense que vraiment, la pièce principale, c'est Love and War de Guillaume Simoneau. C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour que Guillaume a vécu avec une Américaine du nom de Caroline Annandale. Et dans le fond, c'est la mise en image un peu de cette relation difficile parce que une relation qui a commencé aux États-Unis autour des années 2000. Et qui, suite aux événements du 11 septembre, va finalement se voir brisé par les événements, par le contexte historique. Parce que Caroline décide de s'enrôler dans l'armée américaine et en Irak. Et donc, Guillaume, dans le fond, fait une espèce de retour sur cette relation avec cette fille en images, à partir d'images, puisqu'il l'a perdu de vue pendant un certain temps, et ensuite il l'a retrouvée, il a communiqué avec elle. Elle a vécu toutes sortes de choses. Et dans le fond, ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est toute cette histoire, c'est comme une narration d'une histoire d'amour qui vire pas bien. Ben oui, qui se termine. Et puis, dans le fond, c'est comme documenté sa propre relation. C'est assez particulier. C'est comme une espèce de documentaire. Parce que dans ses archives personnelles, il y a des captures d'écran de ses photos à lui, de ses photos à elle. Ben oui, c'est ça. Il y a même des images de texto. Alors, il a pris en photo le téléphone avec le texto où elle lui annonce que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée qu'il vienne la rejoindre comme il était prévu. Donc, ou encore des lettres qui ont été envoyées par des tierces personnes. Des images de leur relation au tout début lorsqu'ils se sont rencontrés où on la voit, elle est toute jeune. Je pense qu'il l'a croisée, elle avait 16 ans. Ah ouais, elle est même toute pleine de vie, elle est splendide, belle. Quand on la voit dans une belle image. Hein? Absolument, il y a une photo d'elle dans un bain où ça fait un nu tellement beau, tellement magnifique en noir et blanc. Et c'est très tendre, en fait, tout ce regard amoureux. Et éventuellement, ben, les photos de l'Irak où là, on la voit vêtue de son habit de sergent et sur des tanks, et en fait, soit qu'elle est comme en permission de retour chez elle aux États-Unis, où son regard est quand même assez dur. Ouais, son même visage, ses traits ont changé, là. On sent que ses traits sont plus anguleux, en fait. Ah oui, vraiment, là, c'est un visage extrêmement dur. J'avais l'impression, même, je ne sais pas si c'est moi à cause des photos, mais même la couleur de cheveux me paraissait plus foncée. Là, tout me semblait plus dur. Et puis, donc, c'est la transformation de quelqu'un. Dans le fond, on assiste un peu à la métamorphose de cette jeune femme-là en adulte qui, par les circonstances, fait en sorte qu'elle s'est endurcie, qu'elle s'est aguerrie. Et d'une autre façon, ben, c'est cette relation d'amour-là qu'on voit comme un peu qui se détériore et qui semble assez difficile. Mais ce qui est particulier, c'est que dans l'accrochage, dans la salle, c'est pas chronologique. Non. Ce que je vous raconte là, c'est que on nous l'explique un peu, on nous le dit, mais nous, comme spectateurs, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de date. Alors, il faut essayer de trouver les images qui appartiennent au début de la relation et puis celles qui sont pendant, après. Enfin, ça, mais il y a un catalogue qui a été fait. Ça, donc, on peut consulter le catalogue pour avoir l'information. OK, donc dans le catalogue, c'est présenté... Avec les titres, mais pas nécessairement en ordre chronologique aussi. Il faut voir. Alors, c'est vraiment, on parle de narration rompue. Alors, on est là, on a une histoire. Il y a une histoire où on peut pas, on sait pas, on peut se poser une tonne de questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont vécu ça? Qu'est-ce qui a motivé son... Ouais, on pourrait aller sur le human interest aussi. Là, oui, mais c'est ça. Mais ça nous invite quasiment à partir là-dedans. Mais l'accrochage et l'absence de données, puis l'absence de chronologie, fait qu'on peut pas vraiment y répondre à ces questions-là. Et là, sans l'artiste, il faut nous-mêmes essayer, dans le fond, de ramener ça. Alors, c'est pas juste un photoroman, là, parce que il manque vraiment des trous. Il n'y aurait pas d'intérêt non plus, là, là-dedans, là. Ben, il pourrait y en avoir un, mais c'est plus intéressant sans chronologie, sans titre, à mon avis, c'est un peu, j'ai souvent cette image-là, mais la mémoire fonctionne pas selon la chronologie. La mémoire fonctionne pas de manière linéaire, la pensée non plus. On a des flashs, on pense à une chose en amène une autre, etc. Oui, oui, c'est ça, parce que moi, je me suis dit à un moment, c'est ça, pourquoi est-ce que on verrait pas peut-être, je sais pas, les photos du début de elle, puis les photos, mais c'est intermêlé. Et oui, c'est vrai que c'est plus comme une mémoire, on revisite un peu ces moments-là, et ça ajoute une dimension poétique et métaphorique aussi, parce que bon, après coup, tu sais, love and war, mais est-ce qu'on ne vit pas tous ça un peu? Est-ce que la relation d'amour a tendance, dans le fond, avec le temps, à se durcir? Est-ce que le regard de l'autre n'est pas un peu plus méchant ou dur? Ouais, on devient un peu plus acerbe ou... Ouais, ou amer. Tu sais, il y a tellement de relations qui font que ton regard amoureux peut être déçu pour un million de raisons. Je pense pas que c'est là. Je pense que c'est ce que moi j'y apporte là, vraiment. C'est cette réflexion. Ce que tu dis dans le fond, c'est quand même une pensée un peu universelle. Voilà. Sur la progression d'une relation. Dans ce cas-ci, c'est particulier, comme tu disais en début, c'est vraiment comme le contexte. Mm. Mais encore là, bon, on peut se poser beaucoup de questions sur s'il n'y avait pas eu telle chose, mais c'est pas ça. C'est vraiment cette idée que c'est universel, puis qu'une relation qui tire à sa fin, il y a une tristesse aussi. Il y a quelque chose d'universel, parce que je dirais même la qualité des images. La qualité des images, elle n'est pas de qualité professionnelle. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les images ont été exposées à la lumière. C'est comme si quelqu'un avait ouvert un appareil photo et que le film, le négatif, avait eu une tache. Il y a des images, je sais pas, il y a des contours, c'est jauni. Il y a des images, même un négatif qui semble avoir eu des trous à un certain moment à l'intérieur d'une auto que l'on voit. Enfin, et lui, il l'a connu dans des cours de photographie. Enfin, lui était enseignant à ce moment-là, elle était étudiante, je sais pas, mais il semblerait en fait que c'est des accidents qui sont arrivés lorsqu'elle a voulu traverser les douanes au retour d'Irak et que les douaniers ont obligé d'ouvrir les négatifs, enfin les plaques photosensibles, et puis ça, il a dû perdre énormément de photos, ou enfin il y en a qui sont meurtries, je dirais, là, par les circonstances aussi là, de cette guerre. Moi, je trouve que ça ajoute un caractère un peu commun, un peu des photos un peu ratées que je pourrais prendre, par exemple. Oui, c'est ça. Que j'ai pas la formation propre. Oui, alors ça ajoute le côté album souvenir. Je tiens à mes... Et puis les traces qu'on regarde, qu'on conserve de cet amour, par même des lettres tristes, là. Et puis, ça vient toucher à l'universel, malgré le fait que c'est extrêmement personnel là, comme expérience. Donc, voilà. une belle exposition, hein? Oui, vraiment, vraiment une belle exposition. Et puis, juste un petit mot sur José Pénaud, Présage, qui est une exposition que j'ai trouvée assez aride, assez conceptuelle. D'une part, photographie en noir et blanc pour la plupart. On nous annonce dans le descriptif qu'il y aura une quête existentielle, des coïncidences sémiotiques et symboliques qui interviennent au sein d'une série d'images. Alors, je m'attendais à avoir une richesse là, au niveau symbolique et tout ça, mais c'est très formel, finalement. Enfin, c'est pas évident à suivre. En fait, il y a des traces de navires échoués, des photos anciennes, des photos récentes. Retracer toutes les correspondances qu'elle voit. En fait, elle fait Elle voit des correspondances dans des taches de naissance là, sur la peau, par exemple le dos d'une personne photographiée, une tache de naissance. Elle fait des correspondances avec des cartes. On dirait que c'est une île, ça devient une île. Donc, des correspondances assez étonnantes là, comme au niveau symbolique, mais c'est pas... Donc c'est ardu là, à découvrir. Il n'y a pas nécessairement de piste non plus. Là. C'est très conceptuel. Il n'y a pas de titre. Il y a un peu de diapos projetés, d'images qui font référence à des îles, justement, là, qui nous aident à faire des correspondances comme ça entre les images. Puis, entre autres, il y a trois grandes images noires et blanches. C'est comme si on voit un mur avec un plancher, une prise électrique, puis un rayon, soit l'image d'un reflet de néon ou encore d'un rideau entrouvert, d'un rayon de soleil à trois moments de la journée. J'ai pas été capable de les relier du tout avec les autres correspondances. Alors, je suis encore là, je me cherche encore des correspondances. Je pense, par contre, que José Pedneau est une photographe qui a un parcours intéressant et qui a gagné des prix du public aussi. Donc, elle n'est pas toujours aussi aride. Je pense que quelquefois, là, il y a des expositions là, qui sont plus séduisantes, peut-être avec davantage de couleurs. J'imagine, habituellement, c'est des résidences dans la petite salle à vue. Je n'ai pas compris que c'était une résidence. Bon, ben, on regardera le communiqué pour confirmer l'information. Non, c'est pas indiqué comme tel, mais je me trompe peut-être, mais je ne l'ai pas prévu comme ça. Mais je sais que c'est quelqu'un qui a une formation, qui enseigne en ce moment à Concordia, qui a des charges de cours. Alors, elle a toute une démarche, et puis vraiment. Donc, c'est un nom à surveiller. À surveiller, voilà. Ben, Catherine Boivin, merci beaucoup. Donc, les deux expositions sont présentées à vue jusqu'au 6 octobre. On a encore un peu le temps, mais on y va avant que le tout se termine. Voilà, on s'en va en pause audio. On écoute O Bender. Au retour, on discute avec Marie-Claude Gendron de l'événement Se suivre. Слишком много шиков. Дикая красота, воображение идиота, никчемная вещь. Я дам вам парабеллум. Pour cette dernière partie de l'aérospatiale, j'accueille Marie-Claude Gendron, commissaire de l'événement Se suivre, soirée de performance intergénérationnelle. Bonjour. Allô. Marie-Claude, on va en parler tout à l'heure. Il y a eu une soirée déjà de performance le 20. C'était quoi, samedi, j'imagine, vendredi, samedi? C'était vendredi dernier. Jeudi et vendredi, il y a deux autres soirées de performance, des performances intergénérationnelles. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce projet-là? En fait, c'est un projet que je pense depuis assez longtemps. Je pense que ça fait depuis 3 ans, depuis le cours qu'on a eu avec Richard Martel dans le cadre de baccalauréat en arts visuels. Il y avait ce cours-là, puis c'était un mentor, Richard, qui présenter la performance et tout ça. Puis depuis 3 ans, j'ai l'idée de faire d'avoir d'autres professeurs aussi, d'avoir des personnes qui ont fait la performance depuis, qui ont l'expérience en fait, puis de les jumeler avec des gens de la relève, des gens qui commencent et tout ça. Parce que en performance, souvent, il y a autant de performeurs que de styles de performance. Fait que ça, c'est, je trouvais ça important, je pense, de favoriser l'échange aussi entre deux personnes, parce que la vision de la personne, son univers, tout ça, il va être partagé avec quelqu'un. Ben, en tout cas, puis avec un partage entre ces deux univers-là, je trouvais ça important. Donc, ça fait, pour tout ça, pour dire que ça fait environ 3 ans que je cogite ce projet-là. Puis tu le vois, comme tu as parlé de mentorat tout à l'heure, c'est vraiment dans cette perspective-là ou tout simplement dans l'idée d'échange entre deux personnes de deux générations qui posent des regards différents? Je pense un mélange des deux. Il y a l'idée de base, c'est le mentorat. Il y a certains duos que ça s'est un peu adapté, comme les fermières obsédées. Ils collaborent avec une artiste qui s'appelle Marie-Hélène Blé. Donc, dans ce cas-là, c'était plus un échange, un autre type d'expérimentation. Mais en général, les 8 duos, ça a vraiment été dans l'idée de faire du mentorat, là, comme je pense à Éric Dorion avec Adam Bergeron et Étienne Bayarjon. C'est des artistes en art audio. Puis là, l'échange était assez important de faire des pratiques, de faire des essais. Puis c'est... ça fait depuis mai que les artistes peuvent se rencontrer, que le projet est lancé. Hein? Pour pardon? J'ai dit quand même. Ça fait un certain temps. C'est pour donner une marge de manœuvre, justement, pour laisser du temps pour pratiquer, pour se rencontrer, sans qu'il y ait de pression non plus de on a un projet à faire, faut faire super rapidement, on trouve notre idée. Non, c'est vraiment l'idée de faire des échanges, des rencontres. Que ce soit laissé libre. Tu sais, si les personnes avaient envie de se voir juste 2 fois, il y avait le choix aussi. S'ils voulaient se voir à toutes les semaines pour vraiment développer une espèce de sentiment, tu sais, de vraiment connaître l'autre personne pour faire une performance qui résulte de ça, c'est laissé au choix des artistes. Puis grosso modo, ça s'est passé comment, justement? J'imagine qu'ils ont dû se rencontrer, c'est sûr qu'on peut pas parler de tout le monde, mais de manière générale, ils se sont rencontrés pas mal? Mais tu sais, l'été, c'est toujours un moment un peu difficile. Je pense que les rencontres se sont condensées en septembre. Il y en a eu au début aussi. Il y a eu une rencontre de groupe en juin. Fait que là, à partir de là, je pense que les personnes ont fixé leur idée. Fait que je pense que ça a été... Mais tu sais, aussi, la communauté artistique de Québec est tout petite. Fait que j'ai l'impression que... On se connaît déjà, là. Ouais, puis aussi, c'est peut-être pour des collaborations futures. Tu sais, c'était pas juste pour ce cadre de projet-là. C'est un peu l'idée de la première rencontre, le premier contact, si on veut. Tu sais, moi, je sais que, d'une manière intuitive, j'aurais peut-être pas eu l'idée d'aller voir une personne que je connais pas du tout, puis lui demander, on fait une performance ensemble, même en se connaissant pas. Fait que c'est un peu dans cette idée-là de générer peut-être des éventuelles collaborations. Et là, t'as déjà nommé quelques noms. À ça, on ajoute aussi Diane Landry, Jocelyn Robert, Patrice Duchesne, Hugo Nadeau, Alain-Martin Richard, Frédéric Hamelin. On a quand même un panorama là, de ce qui se passe à Québec en performance, même s'il y a des gens de Montréal. Oui, ben c'était ça aussi. Là, dans mon travail, mon but, c'était aussi de faire pas présenter seulement un type de performance. Là. On pense aux fermières obsédées, puis à la démarche de Jocelyn Robert, il n'y a absolument rien à voir. Puis c'est ça qui est intéressant de comprendre que la performance, c'est ça aussi. Il n'y a pas un style de performance qui est bonne. Il y a beaucoup d'approches, beaucoup de manières de considérer ça. Puis c'est pas nécessairement la performance dans un cadre de 20 minutes, je représente ce que je fais. Ça peut aussi décloisonner ça. Ça peut être un peu... Ben c'est propre à l'artiste, c'est certain, mais ça peut être aussi... ça peut prendre différentes formes, c'est ça que je veux dire. Puis le jumelage, est-ce que tu y es allé vraiment de manière à associer des artistes où tu voyais comme des parentés dans le travail de ces artistes-là, ou t'as cherché comme plus des petits chocs, ou comment t'as fonctionné pour ça? C'était les deux en même temps, je te dirais que c'est sûr qu'il y a plus de duos qui sont faits dans des en pensant que les démarches sont complémentaires mais décalées d'une expérience. Attends, j'essaie de penser à un duo qui a été. Ben, peut-être qu'on pourrait parler de ce qui... en complémentarité qu'en opposition. Puis, pourrais-tu justement, tant qu'à parler de duo, là, je serais intéressée parce que il y a eu une première soirée vendredi dernier. Oui. Donc, il y avait eu les performances de Michel Lacombe et Sarah Smith et de Marie-Hélène Blais, des fermières obsédées. Peux-tu nous parler un peu de ce que ça a donné? Oui, ben ça a été une présentation de deux univers complètement différents. Michel Lacombe, c'est une artiste qui est assez formaliste dans les performances qu'elle fait. Habituellement, il va vraiment courte durée. Des espèces de petits moments présentés, ça ne dure pas plus que 5 minutes. Sarah fait plus des performances d'une vingtaine de minutes. Donc les deux ensemble, aussi physiquement, en tout cas, je m'en suis rendu compte vraiment quand on faisait leur performance, physiquement elles se ressemblent. Il y avait un espèce de jeu avec surtout la matière, en fait, des actions assez minimalistes. Avec la matière. Donc, l'ensemble m'a donné quelque chose d'assez formel, mais avec la présence puis la complicité des deux performeuses, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Fait que c'est surtout ça pour Michel et Sarah. Puis les fermières, ils ont été à grand déploiement. Là. Ça, a ouais, parce été, ben, ça faisait 5 ans c'est qu'on ça, hein? Mais t'as quand même t'as marqué un coup là, en les ayant. À ton c'est événement, t'as marqué quand même un grand coup là, en les ayant à ton événement, les fermières, là, ça devait être attendu aussi. Ben, je pense que ça va attirer beaucoup de gens, puis c'est ça qui me plaît dans ce style-là, c'est que une personne qui va voir plus les fermières découvre d'autres styles de pratique comme Michel puis Sarah Smith, qui est absolument à l'opposé, mais en tout cas, j'espère qu'ils ont pu découvrir un intérêt là-dedans, tu sais, au moins apprendre, tu sais, être là puis voir ce que c'est, puis être un peu de pouvoir voir qu'il y a d'autres types de performances. Ben oui. T'as parlé d'une performance à grand déploiement, ça s'était passé comment? Ouais, à grand déploiement, c'était pas la bonne expression. C'est là, peut-être moi qui me suis trompée. De leur style, ils sont assez théâtrales. Ils avaient préparé tout un dispositif installatif. Ils ont fait une performance de 30 minutes environ, 30-40 minutes. Puis là, c'est vraiment accompagné de Marie-Hélène Blais qui était au piano, qui faisait l'ambiance musicale, si on veut. Donc, ça a été différents tableaux qui parlaient autour, qui traitaient d'un thème. Là, je veux pas m'avancer sur le thème parce que je pense qu'ils veulent laisser ça assez ouvert. Mais c'est ces différents tableaux là de 5 minutes qui s'enchaînaient. Puis c'était assez, comment je pourrais dire, physique, ce soir, que okay. C'était physique. Puis le public était placé comme devant une pièce de théâtre aussi. Là. C'était vraiment dans un... C'est à leur manière de présenter la performance. Puis tu parles du public, justement. Comment les gens ont réagi devant cette première soirée-là? Tu sais, leurs attentes versus ce qu'ils ont vu. Est-ce que tu as eu des commentaires? Ben, j'ai eu des bons commentaires. C'est sûr que ce qui m'a étonnée, c'est le nombre de personnes qui étaient là. J'ai vraiment été agréablement surprise pour ça. Pour les réactions, j'ai pas eu trop de gros feedback parce que moi, je suis à cheval en Montréal-Québec, donc il fallait que je parte relativement rapidement. Mais tout ce que j'ai eu comme commentaire, c'est positif. Puis je pense que les gens aussi sont contents qu'il y ait ce genre d'événement-là qui regroupe toutes sortes de pratiques à la fois en même temps. Voilà, ben Marie-Claude Gendron, il reste jeudi, donc à 20h, c'est à la Chambre Blanche, performance de Diane Landry et Frédéric Laliberté, de Jocelyn Robert et Ulysse Ruel, puis de Patrice Duchesne et d'Hugo Nadeau. Puis vendredi, donc performance d'Éric Dorion, Étienne Baillargeon et Adam Bergeron, ainsi que d'Alain Martin-Richard et de Frédéric Hamelin. Donc, je le disais, c'est 5$, c'est à la Chambre Blanche, ça commence à 20h et bien entendu, tout le monde est invité. Oui. Voilà, donc c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup. Oui. Merci à toi, Julie. On retourne en pause, on écoute Solar Robot. Eh bien, l'aérospatiale tire à sa fin. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je l'ai gagné, bien entendu. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde, invité et chroniqueur. Avant de terminer, bon, on a parlé des événements de Folie Culture et de la Chambre Blanche. Mais oubliez pas, en fin de semaine, c'est les journées de la culture. Il y a 300 activités culturelles qui ont lieu à Québec, en fait, dans la région de la capitale nationale. Donc, 27, 28 et 29 septembre. C'est la 17e édition qui était sous la thématique « Participer, c'est défendre toute la culture ». Donc sur ça, je vous souhaite une très belle soirée et puis pourquoi pas entamer votre soirée avec Jules Chaumel et Folk d'Amérique.